De fil en aiguille. Quelques jours après leur échappée, Faustine apprend que tout s'est bien terminé en définitive. Maxime est arrivé en même temps que l'avion qu'il était supposé prendre. Il a pu se glisser dans le parking, rebrancher son compteur, rejoindre les arrivants du vol Genève-Nice sur le tarmac, courir, retrouver son épouse qui l'attendait avec les filles. Quelle gymnastique! Ce n'est pas de tout repos d'être infidèle! En plus, personne n'a remarqué qu'il avait pris un coup de soleil, ni que le capot de la Peugeot était chaud bouillant, alors que le soleil était déjà bas sur l'horizon. Faustine a eu tort de s'inquiéter. Dès le lundi suivant, une correspondance quasi quotidienne reprend entre les amoureux. Depuis leur rupture en mai dernier, Maxime a payé pour comprendre l'importance d'une communication ouverte permanente. À aucun prix, il ne doit laisser à son oiselle l'occasion de s'envoler, voire de se faire happer par un autre matou. Rester présent mentalement, quand ce n'est pas physiquement, est sa seule garantie de contrôle sur l'objet de sa flamme. Ainsi, quoi qu'il fasse, où qu'il aille, il use de trésors d'imagination pour lui faire parvenir ses missives, ou plus rarement des livres de poche, faciles à glisser dans une boîte. Après les chemins de Katmandou de René Barjavel, il passera à l'Astrayal d'Albertine Sarrazin. Il prétend que Faustine, avec ses cheveux courts et son esprit frondeur, ressemble beaucoup à Albertine. En clair, Maxime ne sort plus jamais sans un morceau de papier, un stylo, une enveloppe et un timbre. Parfois, il les planque sous la semelle de sa chaussure, son siège auto, voire une cabine téléphonique proche. Dans sa première longue missive après leur escapade, Maxime félicite son ami pour son courage extraordinaire au cours de leur descente périlleuse. Faustine rit en aparté. Jamais il ne saura combien il a dû prendre sur elle pour serrer les fesses, ne pas hurler de terreur. Et encore, la plupart du temps, elle a été sauvée par sa myopie. N'appréhendant le danger que, a posteriori, elle n'avait tout simplement pas le temps de crier. Faustine poursuit sa lecture. Hélène a adoré le foulard qu'elle lui a choisi et les filles ne quittent plus des yeux leur coucou suisse monté dans la soirée. Elles sont en train d'apprendre à lire l'heure à la vitesse grand V. Sur plusieurs pages ensuite, Maxime, entre deux odes à la douceur de sa peau et à sa grâce sensuelle, lui confirme sa volonté de faire le nécessaire pour vivre avec elle le restant de ses jours. À l'atelier, maman écoute sa fille raconter les péripéties de son voyage à Glion. Alors, vous vous êtes dit adieu? Tu tiens le coup? Non, pas du tout, au contraire. C'est devenu sérieux, nous deux, comme papa et toi. Ne mélange pas tout, ça n'a rien de comparable. Papa et moi, nous nous aimons. Maxime et moi aussi. Il tient vraiment à moi, il me l'a dit et répété. Il veut quitter sa femme. Comment, je ne sais pas encore. Il doit s'organiser, mais c'est sûr, on partira ensemble. Ma pauvre fille, tu débloques complètement. Tu ne te rends pas compte qu'il se moque de toi? Quelle cruche naïve tu fais! Je t'aurais cru plus sensée. Tu me déçois beaucoup. Tu n'as pas encore compris que cet homme te manipule, qu'il te jettera sans hésiter? Tu as eu de la chance qu'il t'offre de jolies vacances comme cadeau d'adieu, mais ne t'attends pas à davantage. C'est ce qu'on verra. C'est ça. Va détruire un mariage en plus. Tu le regretteras toute ta vie. Faustine, ne faisant confiance qu'à son instinct, n'a pas l'intention d'intégrer quelque discours raisonnable que ce soit. Après tout, elle sait sa mère prête à faire n'importe quoi pour garder le contrôle sur son employé de fille. Si Faustine s'en va, il lui faudra perdre une année à former quelqu'un d'autre qui coûtera beaucoup plus cher. En plus, il y aurait de la jalousie là-dessous, que ça ne l'étonnerait pas. Elle se demande, à quoi servait de la laisser le suivre à Montreux si c'est pour démolir Maxime maintenant ? Elle prend la décision de garder ses futures confidences pour elle. Les amants se voient peu au cours des semaines qui suivent. Le pied bleu reste fermé pendant tout le mois de juillet. Maxime, après une semaine de déplacement à Montpellier pour le boulot, part 15 jours en vacances avec les siens. Hélène a loué une maison à l'île d'Oléron. Il aura les filles, Daphné et Anaïs, dans les pattes toute la journée à faire du vélo et du voilier. Mais il fera son possible pour donner des nouvelles. Il sera très heureux si Faustine lui répond poste restant. Fin juillet, en rentrant de l'île d'Oléron, Il déposera les petites chez leurs grands-parents, avec lesquels elles passeront le mois d'août, probablement en Corse. Mon père est un grand spécialiste d'histoire napoléonienne, précise-t-il. Hélène et lui rentreront aussitôt à Cannes pour préparer leur maison à accueillir dignement Gene Mighty Flea Connors, un fabuleux musicien de jazz américain, invité d'honneur du club pendant tout le mois d'août. Maxime se désole du fait que cette présence l'empêchera de voir Faustine en sortant du Pied Bleu les samedis soirs. Il ne pourra pas non plus prétexter des déplacements à Montpellier pour passer la nuit chez elle. Il leur faudra attendre septembre pour cela. En même temps, ajoute-t-il malicieux, il ne pouvait pas deviner quand il a invité Mighty Flea, qui vit actuellement à Copenhague, qu'il allait croiser sur sa route une petite chipie qui chamboulerait sa vie. Faustine est triste de cette première longue séparation, mais elle sait que c'est le destin des maîtresses. Lire ou relire Backstreet. Alors, elle est bonne joueuse. Comme l'an passé, elle garde la boutique pendant que ses parents et Stéphane, qui a brillamment réussi son concours d'entrée au Conservatoire de Grasse, iront rendre visite au Pépé en Suisse. Bonheur, depuis que sa quatrelle l'a lâchée, papa en a acheté une autre, en bien meilleur état, sur le compte de la maison. Faustine n'aura plus à investir tout son salaire dans des frais de garage démentiels. Alors, entre deux visites au grossiste de la zone industrielle de Nice, pour renouveler les stocks de paniers, elle se promène dans l'arrière-pays niçois, visite les gorges du Verdon, passe de longues après-midi à la plage ou à la piscine. Au mois d'août, le Pied Bleu est ouvert tous les soirs. Maxime travaille le jour à Saint-Janet et joue la nuit. Les amoureux retrouvent leur déjeuner du mercredi à l'auberge de Tourette. C'est là que, devant une bouillabaisse exceptionnelle, Maxime expose à Faustine le plan qu'il a peaufiné pendant ses vacances pour se libérer de ses chaînes conjugales sans fracas ni douleur. Tu vois, le mieux pour faire le moins de mal possible, c'est que je disparaisse. Mais avant cela, il faut que je prépare Hélène. Et comment tu vas faire ça? Il y aura plusieurs étapes. D'abord, rendre Hélène autonome en devenant moi-même fragile et vulnérable. Quand j'ai eu mon hépatite virale, elle a parfaitement su reprendre les rênes. Question de survie. Le tout est de la réhabituer à le faire. Je vis donc insidieusement devenir distrait, incapable, impuissant. Parallèlement, je vais l'inciter à passer son permis de conduire, ce qui lui donnera de l'assurance. Quand j'estimerai qu'elle est prête, je disparaîtrai purement et simplement. C'est très facile. Des milliers d'individus le font chaque année. Une voiture de location, accélérateur bloqué avec un morceau de sucre, démarrer en direction de la mer dans le port de New York, par exemple, sauter du véhicule en marche et hop! Le bonhomme a disparu de la surface de la Terre. Un corps de plus qu'on ne retrouvera jamais. Et il n'y a pas plus simple? Un divorce, par exemple? Si je pars pour une jeunesse, je la démolis et les enfants avec par ricochet parce qu'elle se laissera couler. Non, crois-moi, j'ai bien réfléchi. En tant que veuve, elle touchera mon assurance vie, aura son avenir assuré. Pas besoin de chercher du travail. Elle gardera la maison, sera toute contente d'être débarrassée de moi. Et toi, ta nouvelle identité, tu connais quelqu'un qui fait des faux papiers? Prévu aussi. En tant que patron du club, j'ai accès aux actes de naissance des musiciens. J'en ai conservé. Si je signale un vol de carte d'identité, m'en fais refaire une autre à partir de cet acte officiel, j'obtiens d'authentiques faux papiers qui me permettront de recommencer ma vie n'importe où, sous un autre nom. Ne restera plus qu'à te trouver du travail. Oui, et pour ça, je compte sur toi. Tu m'aideras à trouver des filons et tu me serviras de boîte aux lettres. Il existe des journaux du type coopération, dans lesquels paraissent des offres d'emploi. On recherche des ingénieurs dans le monde entier. J'y répondrai. Tu recevras les réponses des intéressés. Et quand je voyagerai pour ma boîte, je me débrouillerai pour intégrer des entretiens d'embauche à mon emploi du temps. Je finirai bien par trouver un job, même s'il est moins bien payé qu'ici. Je ne dis pas que ce sera simple ni rapide, mais on y arrivera. Alors, tu penses que ça tient la route? Tu es partante? Partons, répond Faustine, subjuguée par tant d'intelligence, d'ingéniosité et de persévérance. That's my girl!